parce que nous, dans l'idée, on l'avait écrit pour Lucchini. Ouais. Et elle, Ah c'était oui. plus Oulaya, donc l'actrice de Divine. Donc D'accord. c'était plutôt ça dans notre tête de scénariste. Et finalement, c'est Jordana et Auteuil. D'accord. Mais le choix, il vous a quand même plu. Le choix, moi, Auteuil, j'avais des réserves, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu bon. Et quand j'ai vu le film, je me Comment suis dit, soit bah, elle est. Non, mais je trouve que Daniel Auteuil, ça a été un immense acteur, ça faisait, je sais pas, ça faisait 5-6 ans qu'il n'avait pas fait un bon rôle. Et je trouve que dans le film, il est formidable, donc Yvan a eu raison, en fait. Et je pense que Daniel a vraiment beaucoup bossé, et ça se voit, et quand il bosse, il est hyper Il y a fort, eu de quoi. très bons articles dans la presse aussi par Ouais. rapport à ce film-là, Le Bruit. Ouais. Ouais. Ouais. Non, non, Et ça, c'était la en vie du film a parallèle été. Ouais, bah, il est tourné en avec novembre et moi Annie. je tournais en janvier, donc je tournais 3 mois après. D'accord. Mais même, en fait, au départ, le voyage, je devais même le réaliser, mais sauf que voilà, on a décidé. Enfin, moi j'ai décidé que je voulais faire à Miami. C'est un film plus personnel. Ouais. Et puis, Un petit en peu tant plus que populaire aussi, d'un point de vue populaire, ouais, ciné, plus dans moi j'avais le. envie que ce soit populaire. Après, les chiffres montrent que le Brio, c'est beaucoup plus populaire qu'à Miami. Mais surtout c'était plus personnel et puis c'était à taille humaine, c'est-à-dire que c'était un beaucoup plus petit budget. Donc je me sentais, voilà, en tant que premier long, je me disais Ouais. plus simple de réaliser à Miami que le Brio qui est un Et gros j'allais machin. poser une question par rapport à ce film. Comment on arrive à choper Jonathan Cohen dans ce film? Parce que pour moi, c'est le dieu de la comédie en ce Ouais. moment. C'est-à-dire à chaque fois qu'il est dans un film, il me fait pleurer de rire. Et en plus, il est bientôt avec Budapest aussi avec Manu Ouais. Payet, là. Et puis il écrit Serge Mito, Mito le ouais. long. Ça va Et être. comment t'as réussi à le contacter? Est-ce que tu le connaissais? Est-ce que. Alors Mais tous moi en tes fait j'ai acteurs fait de mon casting, cours, comment j'ai fait tu mon l'as fait? court-métrage avec Jonathan. J'ai fait D'accord. Beau Papa avec Jonathan et à l'époque c'est parce que je l'avais rencontré par Bref, etc. Voilà, il faisait une apparition dans Bref. Et on s'est rencontré à ce moment-là. Et je lui ai proposé mon cours, il a accepté tout de suite. Et donc du coup là le long, je lui ai dit écoute. J'adorerais que tu fasses le meilleur pote. Je sais que tu as fait beaucoup le meilleur pote. Je sais que c'est un second rôle, mais voilà. Et il m'a dit, écoute, pas de souci, c'est mon dernier rôle de pote. C'est mon dernier un peu second rôle. Parce que maintenant, il faut que je décide un peu que ma carrière voilà, Décolle, prend un peu de l'ampleur. Et il m'a fait ce cadeau de venir. Il est venu que 5 jours, mais c'était génial.